besoin d'impression? Les trafiquants d'art proposent une vaste sélection d'œuvres d'artistes internationaux et québécois, tels que Fred Jourdain, Félix Girard, Dréa Collage, Mathilde Saint-Mars et plus encore. Affiches seules ou encadrées pour tous les budgets. Vous êtes incapable de faire un choix? Pas de problème. Les trafiquants d'art offrent aussi des certificats cadeaux. Laissez la chance à votre proche d'explorer notre inventaire. Pour Noël, rendez-vous au Trafiquants d'art, 3e avenue, à Limoilou. Bonsoir, amis amateurs de bonne musique. Vous êtes à CKRL 89.1 à Québec. C'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit. Et vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde et Jean-François et France à l'animation. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir, Bruno. Hey, Bruno nous fait des gros babayes. Toujours aussi à fun, mais toujours aussi efficace. Eh bien, on a toutes sortes de belles choses pour vous cette semaine, encore une fois. Et, entre autres, le nouveau Flower King, mais ça a été une belle période dans les dernières semaines. On a vu des beaux concerts, on va vous parler de ça. Il y a un nouveau progressiste aussi. Pour venir au concert, bien, il y a eu Mystery. Oui, Mystery le 10 novembre et tout un spectacle. Oui. Proche de 3 heures. Effectivement. Ils nous ont dit que c'était le plus long de la tournée parce qu'on insistait tellement qu'ils ont fait une pièce de plus qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils font 2 heures, 3 quarts. Et là, ben, il y a eu une pièce de plus. Puis on est chanceux, on l'a réclamé, on l'a eu. C'était le dernier spectacle de la tournée aussi. Exactement. Puis il était très en forme malgré qu'ils ont donné plusieurs concerts. Donc, il était très tight. Là. Il jouait très bien, comme c'est toujours le cas. Ils vont jouer souvent en Europe et ben, pour une fois, à Québec, ben, c'est à sold out, comme on trouve en Europe. Bon, ben, finalement, ça se passe bien pour Mystery. Il y a un nouvel album aussi, un album live qui s'appelle Live in Poznan. Ben, on n'en mettra pas ce soir parce qu'on a trop de choses à mettre, là. Mais disons que dans la prochaine émission. Et pas longtemps après, le 23, c'était Huiss. Oui, aussi, très bon spectacle. En forme, les gars, oui. Et, oui, le chanteur m'a impressionné. Oui. Il est capable de pousser la note. Hein. Et plus récemment, le 26, ben, on a eu Pineapple Thief, le retour, après 10 ans. Après on se rappellera. On se rappellera que la première fois, il y a 10 ans, en 2009, ben, c'était lors de la 6e édition. De Terra Incognita. Oui. 5e. Ouais. 5e édition de Terra Incognita. Et il en sera aussi question aussi du Festival Terra Incognita, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont se passer là. D'ailleurs, la programmation, je pense qu'elle est bien acceptée. On voit beaucoup de bons commentaires. Eh bien, histoire de se mettre dans le bain un peu, on va écouter un petit peu de musique. Hein, que Tapageur va nous mettre ça. Là. On va écouter du Flower King. Ça trahit mon âge. Ben, ouais. Et ben, pour ceux qui sont plus vieux, ils vont avoir compris l'allusion. Donc, un album double, mais en fait, le deuxième, il dure 23 minutes, je pense. Là. Donc, c'est quasiment juste un simple. Là. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne cuvée là, pour Flower King, qui s'appelle Waiting for Miracle. De ce disque-là, on va entendre Miracle for America. Et ensuite, un autre groupe suédois qui s'appelle, il y a un drôle de nom, hein, Cadavra. Et ça, c'est extrait d'un album sampler là, de Progressist, la dernière édition. Donc, on y va en musique. Endless is the river.

Ce que j'espère, c'est de n'assurer tout voir. C'est horreur, à ce qu'à chaque nous l'a. Disque célèbre avec Groovy Hard Rock le 25e anniversaire de Eater's Digest. Après la réédition de Vacuum, Eater's Digest reçoit le même traitement dans un kit double vinyle disponible dès le 29 novembre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Groovy Hard Rock Eater's Digest 25e anniversaire maintenant sur bandpromo.co. La famille du pied bleu. Chaque jour, nous montons une grande tablée où il fait bon vivre, manger et boire. Au Bouchon, c'est une grande tante provenant de Lyon qui vous reçoit. Au Renard et la Chouette, c'est le grand-père qui t'invite dans sa cave à vin. Au Resto Ma Maison, c'est la grand-mère qui te réconforte. Au Roi du Boudin, c'est les cousins et cousines qui vous font découvrir les charcuteries maintes fois primées. Différents lieux, toujours authentiques et sympathiques. Bienvenue dans la famille. Les Sœurs Boulay prennent la route du Québec pour présenter leur tout nouveau spectacle. Venez y découvrir les chansons de leur plus récent album intitulé « La mort des étoiles ». À trop boire, à la source des faiseurs d'histoire, dans la course à la meilleure tempête. Pour plus de détails sur la tournée, visitez lessœursboulay.ca. L'album « La mort des étoiles » est disponible partout. Mais on a terminé ce bloc-là avec Bruce Sword, All Thing Will Be Yours, ça vient de sortir, et c'est d'ailleurs la pièce de cet album-là. Et juste avant, c'était le groupe suédois Cadavra. On retrouve ça sur la compilation progressiste numéro 98, c'est ça. Et ben, c'est un groupe suédois qui a été fondé en 2012. Ils ont sorti un premier album en 2014. Puis, on dit que dans leur premier album, c'était essentiellement psychédélique. Puis, ils ont élargi leur son pour ajouter des notes de prog, de jazz et de post-rock. Tant qu'à moi, là, ça sonnait pur prog, là, cette affaire-là. Et ben, on dit que ça rappelle Mortier Macabre, lors du chant qui est en suédois. Ça rappelle aussi les Islandais de Sigur Rós. On parle de King Crimson, Annick Dotten. Il y a une pièce de 27 minutes là-dessus. Puis ça fait partie des indispensables de progressistes. France, tu peux nous parler des concerts qui s'en viennent? Oui, m'enlever mes lunettes, ça va aller mieux. Bon, on va parler du festival Terra Incognita. Fait que le vendredi 15 mai, ça va être 35 tapes avec Annick Dotten. On va en écouter d'ailleurs tantôt du 35 tapes. Le samedi 16 mai, ça va être His Project, Citonia Distorta, Professeur Tip Top, Annick Dotten. Et pour finaliser le festival His Project, Hide With Win. L'autre, je vais passer mon tour. C'est le groupe formé par Francesca Zanetta. Oui, un drôle de nom. Hein? Oui. Je vais m'essayer. Quelche Dice il Tuono. Et pour fermer le festival, un groupe tant attendu depuis plusieurs années, La Machera di Sera. Oui. Oui. Et il va y avoir beaucoup de beau monde qui va accompagner. Oui, beaucoup de musiciens, dont deux ou trois qui font partie du Zoufani Ben. Du Ziban, oui. Il va y avoir Matteo, le très bon guitariste. Matteo qui l'avait accompagné dans le Ziban. Lui qui joue du saxophone, je me souviens plus son nom. Oui, Grice, Martin Grice. Mm-hmm. Et lui a fait partie de Delirium aussi. Fait que ça promet. Ben oui, je pense que ça va être intéressant. Et il faut préciser aussi qu'Annick Dotten, c'est pas deux fois la même chose. C'est que le vendredi, ils vont jouer intégralement Nucleus, leur deuxième album là, qui est paru, ça va faire 25 ans là, au mois de mai. Et il va y avoir des pièces aussi de V-Mode. Alors que le samedi, ben là, ça va être un greatest hit, si on veut. Ça va être des pièces de tous les albums. Je continue? Oui. Fait que le 8 février, au Théâtre de la Cité universitaire, c'est le groupe Kings, la période Hogarth. C'est un hommage à Marion. Puis le groupe Script, période Fish. Le 3 avril, à l'Auditorium des Jardins, à Polyvalente de Charlebourg, The Flower King. Et le 9 mai, au Théâtre de la Cité universitaire, Pendragon, qui sont en train de faire un nouvel album. Et bien, pour notre deuxième bloc, on va débuter ça avec Yogi Lang, qui est le frontman de RPWL. RPVL. Oui, RPVL, oui. Et c'est son deuxième album solo. Le premier est sorti en 2010. Il s'appelait No Decoder. J'ai réécouté ça dernièrement, ça sonne encore très bien. Et il y a aussi son alter ego, là, Karl-Heinz Wallner, qui fait un solo de guitare là, sur deux pièces. On va suivre ça avec Pineapple Thief, qui a sorti un album live là, qui s'appelle Old Our Fire. Là, ça vient tout juste de sortir. Et ça va être une nouvelle pièce, c'est pas nouveau, c'est 3000 Days. On va en entendre une version là, assez décapante. On va terminer avec Conqueror, mais on débute avec Yogi Lang. We'll be right back. this place of silence, far away from life, and yet no one remains alone. I'm not scared under the dark skies of the night. There's a blessing in this gentle breeze. This time of ease will bring another morning light for you and me. Thank you. me non avere più sete. Vivere questo tempo che non tornerà. Fiumi d'argento, montagne di roccia forte come le mani e la mente adesso. CKRL. Fortune Cookie Club lance son anthologie. Fortune Cookie Club a réuni tous ses albums dans un seul kit, incluant un vinyle, un nouveau mastering et la nouvelle chanson Perdue dans les possibles. Les chansons de la gloire disponibles le 25 octobre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Les chansons de la gloire maintenant sur bandpromo.co. Tu aimerais développer tes connaissances sur les whiskies? La brasserie artisanale La Korrigane organise l'événement parfait pour toi. Samedi le 7 décembre à 16h, assiste à la conférence dégustation, à la découverte du whisky canadien, histoire et saveur, animée par François Lebel. Pour seulement 35$, tu auras la chance de déguster des whiskies ainsi que des bouchées spécialement concoctées pour l'occasion. Le tout dans une ambiance chaleureuse. Une soirée qui te mettra instantanément dans l'atmosphère des fêtes. Pour de plus amples informations ou pour acheter ton billet, korrigane.ca. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide, ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide, ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10$ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Et on a terminé le bloc avec Conqueror, un album qui s'appelle In Orbita. On retrouve ça sur la compilation numéro 98 là, de Progressiste. Et bien, ce qu'on dit dans le magazine, c'est que c'est le sixième album depuis 2003. Moi, je connaissais Mademoiselle Zélé là, en 2010, qui était en fait Matahari, donc ça raconte son histoire. Et moi, j'avais bien aimé ce disque-là, mais je les avais perdus de vue. Puis, on dit dans Progressiste que c'est un retour des instruments avant, là, après le précédent, là, en 2014, ça s'appelait STEM, qui sera décevant, selon le magazine. Et juste avant, ben, c'était Pineapple Thief, ça vient de Old Our Fire. Et c'est un album en concert qui ressemble à pas mal à ce qu'on a vu. Ah oui. Et la pièce qu'on a entendue, 3000 Days, ben, je pense que c'était un des rappels même, ou en tout cas c'est vers la fin du spectacle. Puis lui, il a une façon de jouer sa guitare, Bruce Sword, c'est qu'il y a un bouton là, pour couper le volume. Là. Puis c'est ça qu'on entendait sur cette pièce-là. Là. Ça donne un son d'enfer, si on peut dire. Là. Et Yogi Lang, là, qui a débuté le bloc, ben c'est, je pense que c'est une belle avancée pour lui. C'est un disque là, qui sonne très bien, qui s'appelle A Way Out of Here, on a entendu, Move On. Et pour ce troisième bloc, ben c'est presque Spokesbeer là, qu'on va entendre. C'est le groupe Pattern Seeking Animals. Moi, j'avais vu sortir ça il y a quelques semaines, puis ben, je n'étais pas sûr... puis finalement, je me suis laissé tenter et je suis agréablement surpris. On retrouve, en fait, le chanteur de Spokesbeer, Ted Leonard, là, qui joue de la guitare et qui chante. Il y a, à la base, ben, c'est Dave Meyros, le guitariste d'origine et guitariste et bassiste actuel. Jimmy Keegan, qui a joué de la batterie. Je sais pas s'il est encore là. Tu sais, le petit monsieur, le petit batteur qui chantait bien. Là. Oui, je sais pas. Je pense qu'il est plus batteur pour Spokesbeer, mais quand même, c'est quelqu'un de l'entourage. Puis, il y a aussi John Bogenhold. Et ben, lui, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans Spokesbeer? Ben, en fait, c'était le principal compositeur de Spokesbeer depuis le départ de Neil Morse. Puis sur ce disque-là, il y a 3 pièces de 10 minutes, puis 6 autres autour de 5 minutes. Puis, lui, là-dessus, il fait les synthétiseurs, puis il joue de la guitare, il fait de la programmation, il joue de la mandoline. En fait, c'est un monsieur à tout faire. Là. Puis, c'est lui qui est le principal compositeur là-dessus. Bien, ça ressemble un peu à du Spokesbeer, faut s'attendre à ça. Mais en tout cas, vous allez vous faire une idée avec une pièce, ça, c'est une des pièces de 10 minutes, on va entendre ça. Et ce sera suivi de peut-être un des gros hits, là, Giardino Onirico, un album, je pense, un band italien là, que je pense que tout le monde apprécie. Donc on y va en musique avec Pattern Seeking Animals.

Le 19 décembre, au Grand Théâtre, assistez à la toute dernière représentation du spectacle « Viens avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Cet opéra rock déjanté, sur fond de rock psychédélique, influencé par la musique des années 70, est une épopée rocambolesque, avec pas moins de 13 personnes sur scène. Voyez Les Hôtesses d'Hilaire, le 19 décembre, au Grand Théâtre de Québec. Et c'était Nad Sylvan, un extrait de l'album The Regal Bastard. Et ça, c'est le troisième volet de sa trilogie là, qui avait débuté il y a déjà 4-5 ans. On a entendu Oahu. C'était une pièce plus légère là, qu'on retrouve sur ce disque-là, qui était bien reçu. Juste avant, c'était avec beaucoup d'énergie, là, le groupe italien, et le Giardino Onirico. Un album là, je pense qu'il fait l'unanimité parmi les amateurs de prog italien. Et bien, c'est un groupe qui a été fondé en 2008. Ils ont trois CD en 2012-2013 et ils ont pris leur temps. Ils sont arrivés en 2019 avec ce dernier disque qui s'appelle Apophenia. On avait débuté avec Pattern Seeking Animal et je pense que c'est une belle surprise en ce qui me concerne. C'est un album éponyme et la pièce qu'on a entendue, c'est Orphan of the Universe. Et bien, pour ce dernier bloc, juste avant l'autoroute à minuit, bien, on va entendre un autre extrait de la compilation progressiste numéro 98. C'est un groupe italien qu'on voyait dans... en fait, ça s'appelle Antilabé. C'est un drôle de nom, là, mais... ben, moi, j'avais découvert ça avec le livre là, que Michel Bilodeau a écrit, qui s'appelle « Rock Progressivo Italiano, volume 2 ». Et il y avait aussi une pièce là, sur le CD là, qui vient avec ça. Mais là, c'est pas celle-là qu'on va entendre. Ça vient de, comme je vous dis, de la compilation progressiste. Et Antilabé, ça existe depuis 25 ans. Puis on ne peut pas dire qu'ils ont été très prolifiques parce qu'ils ont sorti un album en 97, un en 2010, puis un autre en 2019. On dit que c'est une musique légère et raffinée. Effectivement, on sent des arrangements orchestraux là, sur certaines pièces. Comme référence, on donne Renaissance, qui est quand même très bien parce qu'ils étaient dans ce mood-là aussi. Et Minimum Vital. Oh! Ouais, ça c'est une belle référence. Oui! Et ce disque-là, qui s'appelle Domus Venecten, c'est l'histoire d'un peuple d'Asie mineure qui voyage pour s'établir près de Venise. Et juste après ça, on va entendre un extrait de Genesis Revisited Band and Orchestra. Et ça, c'est Steve Hackett qui se faisait accompagner avec un orchestre symphonique. Et c'est enregistré au Royal Festival Hall. Et il y aura aussi du 35 Tapes. Il faut écouter quelques pièces pour se mettre dans l'ambiance du festival là, qui s'en vient dans quelques mois. Donc, on débute avec Antilabé. Thank you. to go faster than that. Get to the top. Dirty old mountain. No carbon is going to turn you to stone. So you better start doing it right. You better start doing it right. You're halfway up and you're halfway down. The pack on your back is turning you around. Throw it away, you won't need it up there. And remember, don't look back. Whatever you do, you better start doing it are green, crosses are blue, place didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight, because that's the way the heroes go. Through a crack in Mother Earth, blazing hot, the molten rock spills out of the map. And the lover's the lover who licks your boots away. Cause you don't want to boil as well. But better start the dance. Do, do, do, you want to dance with me? Right, put your left foot first, pull to the light. The edge of the sea is the edge of the world. If you're gonna cross, then you better start doing it right. You better start doing it right. We'll be right back. turn around, what do I see? Shadows of my love are all around. Memories so lost and found. I wanna be alive. I will never I feel I've been here before. When I listen to familiar sounds, the future is only a word to me, hidden behind a well-known door. thank you. 35 Tapes, un des groupes qu'on verra au festival Terra Incognita. C'est d'ailleurs eux autres qui vont ouvrir juste avant Anecdoten le vendredi soir. Eh bien, on pensait, on avait l'impression qu'il allait nous faire jouer la partie épique là, de Cinéma Show à un moment donné. Donc, ça ressemble beaucoup à Genesis. C'est un groupe qui a été fondé à la fin des années 70 à Oslo. Ils ont été encouragés par Jacob Holm-Lupe. Parce qu'il trouvait que c'était bon ce qu'il faisait. Donc, c'est une référence au Mellotron 400 avec ses 35 touches, donc 35 tapes. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Si vous voulez en savoir plus, il y a le livre de Michel Bilodeau, Progressive Rock Fra Nord G Volume 1, où ce qu'on, il y a une interview et il y a une description. Et il y a même un extrait sur le CD. Donc, c'est presque tout pour en ce qui nous concerne. Juste avant, c'est vrai, j'ai oublié de parler de ce qu'il y a eu avant. Il y a eu Steve Hackett, Genesis Revisited Band and Orchestra. On a entendu la version symphonique de Dance on a Volcano. On avait débuté avec Antilabé, un extrait de Progressis 98. Et on termine aussi avec une pièce de Steve Hackett du même album, Out of the Body. Restez avec nous, l'autoroute s'en vient avec Vincent Delisle. Un petit bonsoir. Joyeuses fêtes et on se retrouve l'année prochaine pour nous. En ce qui nous concerne, mais Michel sera là la semaine prochaine avec Bruno. Donc, bonne semaine à tous. Cette émission est disponible en balado-diffusion. La tournée de la veillée des fêtes de Caroté est de retour. Invitez les 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almou. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Terrebonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour. Soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane. Une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle